Petit gâteau qu'on peut trouver enceinte. Avec mon tourment d'amour, chérie, tu peux tomber enceinte. Le tourment d'amour est un sympathique gâteau à base de farine et de noix de coco. Mon tourment d'amour est un méchant gâteau à base de muscles et de spermato. Si t'es pas enceinte, n'oublie pas de demander le tourment d'amour. Sans tourment d'amour, dialogue dessous. Si t'es pas enceinte, n'oublie pas de demander, yeah. Avec un zeste de spermato. Après avoir visité terre de haut, va faire un tour à terre de bas. Quand on a caressé tout le haut, on s'éternise facilement au bas. À terre de haut, tout est velouté. À terre de bas, tout est parfumé. À terre de haut, Franck est sollicité. À terre de bas, fait sans faire l'unanimité. Si tu vas enceinte, n'oublie pas de demander le tourment d'amour. Sans tourment d'amour, dialogue dessous. Si tu veux tomber enceinte, n'oublie pas de demander yeah. Un cesse de spermato. Le tourment d'amour est un petit gâteau. Quelquefois il en sort une petite crème. Ça s'appelle le blanc manger coco. Les sept la Martinique unis par le dessert. Mon tourment d'amour est un méchant gâteau. Quelquefois il en sort une vilaine crème. Ça s'appelle le blanc manger coco. Les sept la Martinique unis par le dessert. Tout le monde, tout le monde. La manger coco. Allez, on chante. La manger coco. La manger coco. La manger coco. La manger coco. La manger coco. La manger coco. Les aides de la Martinique. Wow. Unis par la bœuf. Ouais. Les aides de la Martinique. Yes. Unis par le sud. Mmh. Tu es allongé, très passionné. En avant, Franck, blanc manger coco. Blanc manger coco.